بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فنواصل ما بدأناه في الحصة الأولى، ألا وهو النظر في سيرة من أمرنا باتباعهم، وهم صحب رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن أن نطلب منه وندعو منه أن يهدينا طريقهم. Donc nous continuons ce que nous avons commencé tout à l'heure, le fait de voir un petit peu certains aspects de la vie, de la voie, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est obligatoire de prendre leur chemin, de suivre leur voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le verset, nous a ordonné, a fait obligatoire un dua, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. فَهَاُولَئِ هُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Et ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. وَهُمْ مَعْنِيُونَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلِّ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et ce sont eux en priorité qui rentrent dans cette description qu'il y a dans ce verset, qui nous montre qui sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits. Dans la traduction approximative du sens du verset nous dit cela: et ceux qui obéissent à Allah et son messager. Donc l'une de leurs premières caractéristiques, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ne peut s'accomplir qu'en étant sincère, qu'en ayant accompli la religion sincèrement pour Allah. La deuxième caractéristique, c'est leur suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et ceux qui obéissent au messager. Et avec cette caractéristique qui est la sincérité et le suivi, ils ont accompli, comme il se doit, l'attestation de foi. Ni digne d'être adoré qu'Allah, et Muhammad est le messager, le sait, et le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Enfin, si nous voulons être avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, nous devons réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et être dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. لأن عن هذا سيسأل الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون ماذا أجبتم المرسلين. Car c'est sur cela que les premiers et les derniers vont être questionnés, jugés devant Allah. Qu'est-ce que vous adoriez dans ce bas monde et qu'est-ce que vous avez répondu au messager alayhi salatu wassalam. Donc ceux qui sont comblés des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là qui obéissent à Allah et à son messager. Alors t'es-tu à qui? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. C'est ce qui est cité dans le verset. Les prophètes sont tous véridiques. Ils ont tous l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces prophètes, ils avaient quoi avec eux? Ils avaient une révélation qui est la source de la science. Qui est la source de la science bénéfique. Donc ça veut dire que cette voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, il est basé sur la science bénéfique et sur la religion de vérité. Parce que les prophètes n'ont transmis que ça. Après arrivent les véridiques. Tous les prophètes et tous les messagers sont véridiques, alayhim salatu wassalam, sans exception. Alayhim salatu wassalam. Et la tête des véridiques dans l'humanité Après les prophètes et les messagers, ce sont les nobles compagnons de Mouallah Ali, les compagnons de Mohammed Ali. Il a tête des véridiques dans cette communauté humaine, il y a Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et après arrivent les compagnons dans leur classement, Omar, puis Uthman, puis Ali, et ainsi de suite. Radiallahu anhu al-jami'a. Et ils sont tous véridiques sans exception. Après les véridiques, il y a les martyrs. Mais le martyr, ce n'est pas l'adepte de Daesh, ni l'adepte des Qutbi, ni des Sorori, ni des Tkfiri, ni de ceux de l'Qaïda, ni tous ceux qui posent des bombes, ou là qui rentrent dans un musée comme si c'est arrivé ici à Bruxelles, qui assassinent des gens, etc. Hada, ce n'est pas un martyr. Hada, c'est un corrupteur sur terre, et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption sur terre. Le martyr, c'est celui qui meurt pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevée. Khalas. Et qu'on se détrompe et qu'on ne se fasse pas avoir par ces tendances égarées, égareuses. Après les martyrs, il y a les vertueux, salihis. Qui sont salihs? Tout un chacun qui aura accompli taqwa, qui a mis en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le livre et la sunna et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah Ali, en espérant les récompenses d'Allah, et qui s'est abstenu de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit conformément au livre et à la sunna et selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah Ali, en ayant peur du châtiment d'Allah, ça c'est un salih. Ça c'est la définition d'un salih. Hein? Tu veux salih, bakhlas, ça c'est la voie, l'accomplissement de la taqwa. Une bonne aqidah, des bonnes œuvres, la mise en application des ordres, fait de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Enfin, ces nobles compagnons d'Allah alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est obligatoire de suivre leur chemin, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté vers ça. Quand tu regardes le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiallahu anhu arda, tu regardes quand il a averti contre les divergences et les innovations et les passions, il a montré la maladie et il a montré le remède à cette maladie et comment sortir de toutes ces divergences. Il a dit: cramponnez-vous à ma voix et à la voix du khalif bien guidé. Et là il a cité les meilleurs de la communauté. Mais sinon, tous les nobles compagnons d'Allah sont les khalifs de notre messager dans la transmission de cette religion, comme il est dit dans le hadith des groupes: ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. Mais cela doit attirer notre attention aussi sur un point essentiel. Cramponnez-vous à ma voix et à la voix du khalif bien guidé. Cela doit attirer notre attention qu'on fait partie des fondements des gens de la sunna et de ceux qui suivent à la perfection. Les nobles compagnons et ceux qui leur ont succédé à la perfection restent derrière leurs hommes de science et mettent en application les orientations de leurs hommes de science et respectent les grands hommes de science, hein, les dignes de la communauté, ceux qui portent l'étendard de cette voie. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils ne ramènent pas leur raison ni leur analyse de la situation devant la parole des grands de cette communauté. Abeden. Par ces paroles, on ne dit pas que nos grands hommes de science sont exemples de l'erreur, abeden, ni qu'ils sont ma'soum, infaillibles, abeden. Mais il nous est demandé, parce que c'est la sunna sur laquelle était le pieux prédisseur d'Allah alayhim, des compagnons, hein, et ceux qui les ont suivis à la personne, c'est le respect des hommes de science et le fait de rester derrière eux et de ne pas être un maillon de la chaîne en dehors de la chaîne. La communauté, c'est un maillon de la chaîne, l'un attaché à l'autre jusqu'à arriver au messager alayhi salatu wassalam, et ne pas se marginaliser par rapport à la voie sur laquelle sont nos pieux prédisseurs d'Allah alayhim et les grands hommes de science de notre communauté. D'où l'importance de revenir dans cette fitna que nous avons vue qui a secoué depuis 1438 maintenant le monde musulman, qui a divisé les salafis à travers le monde. Cela te montre combien notre jeunesse ne sait pas maîtriser, il ne sait pas mettre en application les règles et les fondements sur lesquels étaient les pieux prédécesseurs d'Allah. Même s'ils les apprennent par cœur, ils sont restés dans la théorie. Et quand il a fallu le mettre en application, il y a eu des lacunes. D'où les perturbations de beaucoup. Et d'où les hésitations. Et d'où le trouble chez certains. Et d'où certains gobent n'importe quoi comme ambiguïté alors que le soleil est clair, on ne peut pas le cacher avec l'étoile d'araignée, Ebeden. D'où la nécessité de revoir le fondement. Et de se pencher dessus et de les mettre en application. Le pieux prédicateur avait ce courage de mettre en application les fondements que leur imposait la sunna et la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et ils n'avaient pas peur. Ils prenaient pas en considération le fait que moi je jouais au football avec celui-là pendant 10 ans, comment je vais me séparer maintenant? Ma religion est beaucoup plus forte et plus importante que la compagnie de tel ou de tel. Il ne faut pas se leurrer à l'islam. Le mauvais compagnon, il est comme l'aimant, il tire vers lui. Donc il faut faire très attention de ne pas te dire, de croire que tu es solide, que tu es tout d'un coup, tu te retrouves de l'autre côté. Et tu te retrouves avec des gens qui n'ont aucun respect avec les hommes de science, qui n'ont aucun respect devant la parole et les orientations de ces dignes de la communauté, qui ont voué leur vie à la défense de cette voie, tel Cheikh Rabih, Cheikh Obeid, etc. Et que maintenant les Minus traitent n'importe comment, et débitent des paroles. La sueur froide tombe sur la tête de tout un chacun qui est digne d'entendre ce genre d'ânerie de la part de certains insensés et de certains qui, des fois, maîtrisent même pas le biyaba de la langue arabe. Quand tu le prends pour voir son niveau au niveau de la langue, il n'est même pas arrivé à. Il n'a même pas maîtrisé l'ajromia. Il ose. Il joue avec sa religion. Il s'envoie dans la gueule du loup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. D'où la nécessité de revoir nos fondements et de se repencher sur la vie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il est obligatoire de suivre leur chemin. Et revenons à Omar Abdullah ibn Omar radiallahu anhu wa ardah. من مناقب عبد الله بن عمر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاعه منه في partie des qualités et des mérites d'Abd Allah ibn Omar, c'est qu'il était très proche du prophète عليه الصلاة والسلام et qu'il a bien profité des enseignements et du fait qu'il était proche du messager عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أدي كل مساجد الله سبحانه وتعالى ما prépare les pôles. Il m'a dit soit comme un étranger dans ce bas monde ou comme un voyageur. Vous voyez l'étranger comment il est? Est-ce que l'étranger va venir dans une ville qui n'est pas la sienne, il va s'y installer? Abadan. Il est là pour 2-3 jours, après il part. Une semaine, 15 jours, il va repartir. La même chose, le voyageur, il n'est jamais stable dans une région. Il revient toujours chez lui. Et l'expression « soit dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur », c'est-à-dire, prépare-toi pour le delà. ce voyage que tu es en train de passer dans ce bas monde, de ce temps que tu passes dans ce bas monde, profites-en pour préparer ce qui va te prévaloir, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cette parole du messager alayhi salam, Abdullah ibn Omar ne cessait de dire après, quand arrive le soir, ne repousse pas l'œuvre que tu dois faire le soir jusqu'au lendemain matin. C'est-à-dire l'œuvre du soir, accomplie-la à ce moment-là où tu es. Parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller après ou tu ne vas pas te réveiller. Et quand tu te réveilles le matin, l'œuvre du matin ne la repousse pas au soir. Accomplis-la. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari. Ça veut dire, ne sois pas laxiste dans ta vie. Ce que tu dois accomplir le matin, accomplis-le. N'attends pas. Parce que tu ne sais pas si tu vas arriver à vivre jusqu'au soir. Et le matin, la même chose, et ainsi de suite. ويقول رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. Il dit رضي الله عنه وارضاه que le messager d'Allah a dit, il est des devoirs de quiconque qui a quelque chose de laquelle, sur laquelle il doit faire un testament. Il ne doit pas passer une nuit sans avoir fait son testament. Il faut que son testament soit écrit. Écoute maintenant. يقول عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. تأمل كيف الاتباع. Et maintenant, médite la situation d'عبد الله بن عمر. Quand il a entendu cette parole du messager عليه الصلاة والسلام, il a dit, après que j'ai entendu cette parole du messager, il n'y a pas une nuit qui est passée sans avoir mon testament avec moi. Il n'y a pas une nuit qui s'est passée sans avoir mon testament avec moi. Médite la mise en application comment il est. Le suivi des orientations du messager, alayhi salatu wassalam. Combien de choses nous connaissons et on ne met pas en application. On doit faire très attention. Parce que le fait de connaître des choses et de ne pas les mettre en application, il y a à craindre qu'on ne tombe pas dans la voie de ceux qui encourent la colère d'Allah. Ceux duquel on se disait à vous dans chacune de nos prières, dans le dua, غير المغضوب عليهم. Parce qu'ils ont la vérité, ils ont la science et ne la mettent pas en application. C'est pour ça qu'ils encourent la colère d'Allah. Et nous devons faire très attention à cela, comme il a dit Soufiane Thauri. Que ceci nous concerne aussi. Parce que le Coran s'est adressé à nous. Et il s'est adressé aux gens jusqu'à la fin des temps. Donc il nous concerne. Et nous devons faire très attention à cela. De ne pas être parmi les égarés qui œuvrent sans science. Et de ne pas être parmi ceux qui encourent la colère d'Allah, Azzawajal, qui ont la science, qui ne la mettent pas en application. Qui ont la vérité, qui la cachent, qui ne la mettent pas en application. Nous devons faire très attention. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي إزار استرخاء فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم. Abdullah ibn Omar, dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dit, je suis passé devant le prophète, alayhi salam, et il a vu comme mon isar, c'est-à-dire le vêtement d'en bas, est tombé bas. Comme ça s'est relâché au niveau de la ceinture, et il s'allongeait plus bas que, il allait en bas. Et il lui a dit, oh Abdullah, relève ton isar. Remonte ton kamis. Remonte ton serwal. Il l'a relevé. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit encore. Plus. Et il l'a relevé. Et depuis qu'il a entendu ça du prophète alayhi wa sallam, il ne l'a jamais délaissé. Et les gens l'ont interrogé. Tu l'as relevé jusqu'où? Il a dit jusqu'à mi-mollet. jusqu'à m'immoler. ويقول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه البخاري. Le messager عليه الصلاة والسلام a dit dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, celui qui traîne son vêtement par fierté, par orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardera pas le jour de la résurrection. Avec ce hadith, nous avons certains insensés maintenant qui lâchent leurs vêtements, leurs pantalons des fois, essuient les urines des chiens dans les zips de Bruxelles et ailleurs. Et il te dit, moi, mon pantalon ne traîne pas par orgueil ou par fierté. Hein? Alors qu'il ne sait pas que dans l'autre hadith, il est dit, hein, que Hadak, celui qui aura son vêtement au-delà de sa cheville, il sera châtié. Et quand découle d'un acte un châtiment, ça veut dire que c'est un péché capital. Et d'autres insensés vont arriver, vont te dire, mais il y a divergence. Quelle divergence il y a quand les textes sont clairs? Hein? Quand les textes sont clairs, où est la divergence dans ce cas-là? Et quand on voit Abdullah ibn Omar rester fidèle à ce que lui a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que son isar ne dépassait plus mi-mollet. Hein? Nous devons faire très attention. Et même combien maintenant nous sommes dans un monde qui est devenu très étranger, à tel point que le seul voile arabe, on ne lui reconnaît plus la forme que vous mettez maintenant. Que certains, j'ai vu aujourd'hui certains, mais c'est du tachbou complet avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de ressembler. J'ai envoyé quatre modèles, la photo de quatre modèles à Cheikh Arafat. Il m'a dit, Audoubillah, c'est du tachabou. Il ne faut pas les vendre, il ne faut pas les mettre. Il faut craindre Allah Azza wa Jal, où est-ce que vous allez? Faire très attention. Le sarwal arabe, quand il est apparu il y a quelques années, il avait l'aspect d'un sarwal arabe très large, etc. Maintenant, il a tous les aspects qui n'ont rien à voir. Et même des fois, Audoubillah, il est serré, il est... Hein? Les parties intimes sont bien dessinées quand la personne se prosterne et ainsi de suite. Il ressemble plus à ses pantalons et à ses bermudas comme Jacques, etc. Hein? Nous devons faire très attention. Il ne faut pas fondre. On est une communauté qui doit avoir une certaine distinction dans son apparence, dans ses croyances, dans ses comportements et à tous les niveaux. On est une communauté à laquelle il est demandé de ne pas fondre avec n'importe qui. Qu'on fasse très attention à cela. Wa yaqul ibn Umar radiyallahu anhuma kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil majlis al-wahid 100 marra rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dakara al-Albani rahmatullahi alayhi fi sahiha. Regarde maintenant comment ses nobles compagnons observaient bien les paroles et les actes du messager alayhi salatu wassalam. Il disait radiyallahu anhu arda, dans ce qui est rapporté par l'Albani rahmatullahi alayhi dans sahiha, nous comptions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans chaque assise le fait qu'il dit 100 fois Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ils observaient minutieusement les actes et les paroles du messager alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Comme ça juste pour les relater? Non, pour les mettre en application. Parce qu'ils savaient que c'est ça la religion. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est quand Aïcha radiallahu anha wa arda a été interrogé sur le comportement du prophète alayhi wa sallam, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a Les hommes de science disent qu'ils mettaient en application ce qu'il y a dans le Coran. Ce qui est ordonné dans le Coran, ils le mettaient en application, et ce qui est interdit dans le Coran, ils s'en abstenaient. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Et donc, ces nobles compagnons surveillaient ça et mettaient ça. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhu arda disait une parole qui a porté part dans Sifat Safwa. Il dit: إني لقيت أصحابي على أمر وإني أخاف إن خالفتم ألا ألحق بهم. Écoute bien. Il a dit, رضي الله عنه وارضاه, j'ai trouvé mes compagnons sur une situation et j'ai peur si je suis en divergence avec eux et je ne les suis pas dans cette situation, je ne serai pas avec eux. C'est-à-dire dans le delà. Hein? Regardez le souci où il est. C'est qu'il avait peur de ne pas être avec le messager alayhi salam, avec Abu Bakr, avec Omar, avec Uthman, avec Ali, avec Muawiyah dans le delà. Hein? Donc il dit, si j'agis en divergence avec la voie sur laquelle il était, j'ai peur de ne pas être avec eux. وَهَكَذَا اتَّبَاتْ عَلَى الدِّينِ وَهَكَذَا اتَّبَاتْ عَلَى الْمَنْهَجِ وَالتَّضْحِيَ مِنْ أَجْلِ الدِّينِ وَمِنْ أَجْلِ الْمَنْهَجِ فَمَنْ صَارَ عَلَى نَهْجِ سَلَفِنَا الصَّالِحِ لَحِقَ بِهِمْ وَحُشِرَ مَعَهُمْ. Il en est ainsi. Hein? La fermeté est d'être raffermé dans la religion d'Allah et d'être raffermé dans la voie des pieux prédisseurs d'Allah Alim. Celui qui prend cette voie et qui s'y cramponne, il va rejoindre ses pieux prédisseurs d'Allah Alim. Il va les rejoindre, bi'idnillahi azza wa jal. Thalitan min manaqibihi radiyallahu anhu wa arda, annahu kana katira al-buka min khashiyatillahi azza wa jal. Fait partie de ses qualités, c'est qu'il pleurait beaucoup par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala le faisait pleurer beaucoup, radiyallahu anhu wa arda. Qala Nafi' huwa mawla Abdullah ibn Umar, kana ibn Umar radiyallahu anhuma idha qara'a alam ya'nin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah baka hatta yaghlibahu al-buka'. رواه أبو نعيم في الحلية رحمه الله تعالى. نافع le serviteur d'Abdullah ibn Omar disait, quand Abdullah ibn Omar lisait ce verset dont la traduction approximative nous dit ceci: l'heure n'est-elle pas venue aux croyants de laisser leur cœur s'attendrir à l'évocation d'Allah? Dit qu'on lisait ce verset, il pleurait beaucoup, radiyallahu anhu arda. Il ne cessait pas de pleurer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Wa qala Nafi' aydan ma qara'a ibn Umar hatayn al-ayatayn qattu min akhir surah al-Baqara illa baka wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah thumma yaqul إن هذا لإحصاء شديد رواه صاحب صفوة الصفوة. نافع le serviteur d'Abdullah ibn Omar dit que chaque fois qu'Abdullah ibn Omar lisait ces deux versets à la fin de sourate al-Baqara, il pleurait. Que disent les versets? Dans leur tradition approximative du sens, ils disent que vous exprimiez vos pensées ou que vous les dissimuliez, si vous devrez en rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala n'importe comment. Que vous les exprimiez ou que vous les dissimulez, vous allez en rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il lisait ce verset radiyallahu anhu arda, il pleurait. Il dit ça, c'est une comptabilisation minutieuse. Hein? C'est un compte qui va être fait à la perfection et minutieux. Regardez, pour qu'on comprenne pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a élus, il a fait qu'il est obligatoire de suivre leur chemin. Il taqa Abdullah ibn Amr, ibn al-As, ou Abdullah ibn Umar. ثم أقبل عبد الله بن عمر وهو يبكي فقال له القوم ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن قال الذي حدثني هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من خردل من كبر. عبد الله بن عمر بن العاص a rencontré Abdullah ibn Omar, Ridwanullah Ali Majma'in. Et quand il l'a rencontré, il s'est mis à pleurer. On posa les gens qui étaient là. Pose la question à Abdullah ibn Omar. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit ce que m'a annoncé celui-là. C'est-à-dire le hadith que lui a annoncé Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est dans le Musnad. Chez l'imam Ahmed, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai entendu, ou Abdullah ibn Amr ibn al-As disait, j'ai entendu le messager d'Allah dire, ne rentrera pas au paradis un homme dont le cœur y a le poids d'un grain de moutarde d'orgueil dans le cœur. Et cette parole l'a fait pleurer. Hein? Qu'on médite la crainte qu'ils avaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. وحدث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره قال فذرفت عين عبد الله بن عمر رواه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين رحمه الله تعالى جميعا. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As a cité un hadith à Abdullah ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui fait apparaître son œuvre par ostentation, Allah le divulgue le jour de la résurrection, il le méprise, il le rabaisse devant ses créatures. Abdullah ibn Omar, en entendant ce hadith, il a pleuré, radiyallahu anhu arda. Ses yeux sont emplis de larmes. وَمِنْ مَنَاقِبِهِ كَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بَارًا بِوَالِدِهِ عُمُرًا بِوَالِدِهِ عُمَرًا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ. Et parmi ses qualités, c'est qu'il était bon, très bon, avec son père, durant sa vie et après sa mort. Durant sa vie et après sa mort, radiyallahu anhu wa arda. Comme il dit, comment doit être la bonté avec les parents, et comment il était chez ses nobles compagnons, radiyallahu alayhi. Fafi hayatihi, يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها durant la vie d'Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Omar disait, j'avais une femme, c'est-à-dire ce qui était sa femme, que j'aimais beaucoup. Omar ibn Khattab détestait cette femme. Il lui a dit, divorce-la. Abdullah ibn Omar a dit, j'ai refusé. Omar l'a cité au messager, alayhi salatu wassalam, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, divorce-la. Hein? Il hadith, il est authentique, authentifié par Cheikh Nasr Din Albani, rahmatullah alayh, dans Sunan Abi Daoud. Wa inda mawtihi, radiyallahu anhu wa arda, inda mawti Omar, لما نام عمر في فراش الموت قال يا عبد الله بن عمر انظر ماذا علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال أي عمر إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدوم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. ثم قال عمر انطلق. Au moment de la mort de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda, quand il était sur le lit de mort, il a dit au Abdullah ibn Omar, regarde le crédit que j'ai, comptabilise. Il a trouvé que c'était 86 000, ou un peu plus. Il lui a dit, c'est l'argent de Omar ibn Khattab, il suffisant, vas-y, paye le crédit. Hein? Acquitte-toi de ce crédit. Sinon, demande dans Bani Udayy ibn Ka'b. Et si leur argent ne suffit pas, demande à Quraysh. Il ne dépasse pas ni Udayy ibn Ka'b ni Quraysh. Khlas. Et acquitte-toi de ce crédit pour moi. ثم قال عمر رضي الله عنهما انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها يقرئ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. عمر dit à son fils va voir عائشة رضوان الله عليهم أجمعين la mère des croyants et dit lui عمر tu passes salam mais ne lui dis pas le prince des croyants car aujourd'hui je ne suis plus le prince des croyants. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. يدي لوي يا عائشة كعمر demande l'autorisation d'être enterré avec ses deux compagnons. Puisque le Rasoul صلى الله عليه وسلم et Abu Bakr sont enterrés dans l'appartement de عائشة, dans la pièce où habitait عائشة رضي الله عنها. فسلم عبد الله بن عمر واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. إيه عبد الله بن عمر يبحثي فوق عائشة رضي الله عنها وارضاها إلى دموندي لتغزة إلا سلوي إلى دموندي لتغزة دو غنطري إلى تخوفي عائشة en train de pleurer. فقال عبد الله بن عمر يقرئ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أثيرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال عمر ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أدنت. قال عمر الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أدنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. رواه البخاري. إذن عائشة رضي الله عنها وارضاها كنت لا أنتندي لدومون دو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاها إلى دي je le voulais pour moi mais aujourd'hui je m'en priverai pour lui, c'est-à-dire je m'en priverai pour Omar. Regardez même chez les femmes compagnons de Allah Alim comment ils étaient. La chose qu'il l'a voulait, il l'a laissée pour leur frère ou là pour leur sœur. Je le voulais pour moi, mais aujourd'hui, je m'en priverai pour Omar. Et quand Abdullah ibn Omar est revenu chez son père, ceux qui étaient là lui ont dit Abdullah est arrivé. Il a dit alors, levez-moi. Il était couché. Levez-moi, un homme l'a levé, il l'a tenu. Abdullah ibn Omar a dit à Omar ibn Khattab a dit à Abdullah ibn Omar, qu'est-ce que tu me ramènes? Il lui a dit, est-ce que tu aimes au prince des croyants? Il a donné l'autorisation que tu sois enterré avec eux. Omar ibn Khattab a dit, louange à Allah, il n'y avait pas quelque chose qui me préoccupait à part cela. S'il était préoccupé, il ne voulait pas être séparé de ses deux nobles compagnons, le messager alayhi salam et Abu Bakr même, dans la mort. Ridwanullah alayhi. Qala, et donc Omar ibn Khattab a dit, quand l'âme sortira, prenez-moi, et après vous arrivez là-bas dans l'appartement, dans la pièce de Aïcha, vous la saluez, et vous lui dites, Omar demande l'autorisation. S'il vous ordonne, il vous donne l'autorisation, rentrez, c'est-à-dire rentrez, l'enterrez. Et s'il refuse, alors enterrez-moi dans le cimetière avec les musulmans. Radiallahu anhum ajma'in. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أنا آخركم عهدا بعمر رضي الله عنه دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله فقال له ضع رأسي على الأرض فقال ابن عمر فهل خدي والأرض إلا سواء فهل فخذي والأرض إلا سواء فقال له عمر ضع رأسي بالأرض لا أم لك في الثانية وفي الثالثة وسمعته يقول ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي حتى فاضت روحه رضي الله عنه وارضاه ذكره ابن سعد في الطبقات عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه il dit je suis le dernier à avoir vu Omar ibn Khattab je suis rentré chez lui et sa tête était dans le giron de son fils Abdullah et Omar ibn Khattab a dit à Abdullah, dépose ma tête sur terre. Abdullah ibn Omar lui a dit, il n'y a aucune différence entre ma cuisse et la terre. Il n'y a aucune différence, c'est la même chose. Il lui a dit, dépose. Il a été sévère un petit peu dans la parole avec. Il a dit, dépose ma tête sur terre. Et ils ont, Uthman ibn Affan dit, on a entendu Omar ibn Khattab dire, malheur à moi. Et malheur à ma mère, si Allah subhanahu wa ta'ala ne me pardonne pas. Et à ce moment-là, son âme est sortie, radiallahu anhu arda. C'est-à-dire cette crainte qu'ils avaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'da mawtihi, fa'hada kana birruhu biwalidihi wa huwa fi hayatihi. Amma ba'da mawtihi, fa'hada amrun azim. أما بعد موته يقول عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه والحديث في صحيح الترغيب للإمام الألباني رحمة الله عليه regarde cette leçon comme il dit dans notre monde contemporain où on est de cette situation après la mort de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa Abdullah ibn Omar dit, un homme parmi les Bédouins l'a rencontré sur la route de la Mecque. Abdullah ibn Omar l'a salué. Il lui a donné un âne. Il avait un âne, il avait une monture sur laquelle il montait. Et quand il voulait se reposer de la grande monture, il prenait son âne. Et là, cet âne, il l'a donné à ce Bédouin. Et il lui a donné un turban qui avait... Abdullah ibn Omar avait un turban sur la tête, il l'a pris, il l'a mis sur la tête de ce bédouin. Et il lui a donné l'âne. Ibn Dinar a dit, nous avons dit à Abdullah ibn Omar, Aslahak Allah, ce ne sont que des bédouins. Ils se contentent de peu de choses qu'on leur donne. Abdullah ibn Omar, ici le témoignage, Abdullah ibn Omar a dit, le père de celui que tu vois était un ami de Omar et Omar avait beaucoup d'affection pour son père. Et j'ai entendu le messager d'Allah dire le plus grand bien que quelqu'un prodigue à ses parents, c'est le fait d'entretenir la relation avec ceux que les parents aimaient. Avec ceux que ses parents aimaient. Hein? Et regardez la mise en application d'Abdullah ibn Omar quand il a vu cet enfant du Bédouin pour lequel Omar ibn Khattab avait une grande affection. Regardez comment il a agi avec. Et méditez notre situation dans ce monde contemporain où on est pris par le matériel. Hein? Et on voit comment la différence il est. Wa an Abi Burdata قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري لما أتيتك قال قلت لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده يعني أحبابه وأصدقائه وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك ذكره الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. أبي بردة الله سبحانه وتعالى اللي زغري أدي شو أغيبي أميدين اي عبد الله بن عمر il venu me voir et il m'a dit tu sais pourquoi je suis venu te voir. Je lui dis non. J'ai dit j'ai entendu le messager d'Allah dire celui qui aime entretenir la relation de son père alors que son père est dans la tombe, qu'il entretient la relation avec les frères de son père après lui, c'est-à-dire avec ses amis, les amis de son père, hein, et ceux que son père, et les gens avec, pour lesquels son père avait de l'affection. Et entre mon père Omar et ton père, il y avait une grande affection, une grande amitié, et j'aimais l'entretenir, j'aime l'entretenir. Hein? Enfin, médite, je crois que l'attar, pas besoin de commentaires. Quand on sait comment hein, les gens leur est facile de couper même les liens de parenté dans notre monde actuel, dans lequel on a été influencé par cet Occident et par sa culture et par ses coutumes et ses traditions. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Amma mawaqifuhu radiyallahu anhu arda fa hiya katiratun jiddan. Quant à ses positions, elles sont nombreuses. Mawaqifuhu radiyallahu anhu ma'a ahli al-bid'i wal ahwa. عبد الله بن عمر كما ذكر اللالكائي في وصول السنة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حربا على البدع وعلى أهل البدع والأهواء فهو الذي قال كما ذكر اللالكائي كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. عبد الله بن عمر était un homme qui était un guerrier contre les innovations et les gens de l'innovation et de tous ceux qui suivent leur passion. Et c'est lui, radiyallahu anhu arda, qui a dit, comme cela est relaté chez l'Alakaï, toute innovation est un égarement, même si les gens voient que c'est une bonne chose. C'est un égarement. Radiyallahu anhu arda. Wa sami'a Abdullah ibn Omar, rajulan atas. فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله ولم يقل وليصلي على رسوله على رسول الله. والحديث حسنه الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي. عبد الله بن عمر طول الحديث jugé bon par l'imam al-Albani rahmatullah alayhi dans ses commentaires sur Sunan al-Tirmidhi, a entendu un homme éternuer. Et cet homme a dit, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الله بن عمر lui a dit, c'est pas comme ça que le messager d'Allah nous a appris. Il nous a appris tout simplement, quand quelqu'un éternue, qu'il dit Alhamdulillah, louange à Allah, tout simplement. Et il n'a pas dit qu'il prie sur le prophète, qu'il salue le prophète, alayhi salam. Aujourd'hui, si tu agis comme agit Abdullah ibn Omar, ah, tu vas entendre, Allahu Akbar, comment maintenant saluer le prophète, alayhi salam, prier sur lui, c'est devenu interdit? C'est haram? A'udhu billah, c'est pas ça qui est haram. C'est toi qui vois les choses à l'envers. Hein? Ce qui est haram, c'est que tu rajoutes des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna de ton prophète alayhi salatu wassalam qui n'en font pas partie. Hada c'est haram. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand les repères sont chamboulés, khlas, tu entends n'importe quoi. Et tu vois n'importe quoi aussi. ولما خرج أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع على يزيد بن معاوية ليخلعوه قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذهب إليه في بيته وقال عبد الله بن مطيع أخرجوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال عبد الله بن عمر إني لم آتيك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه الإمام مسلم. Quand les gens de Médine, sous le commandement d'Abdullah, certains, sous le commandement d'Abdullah ibn Muti'a, se sont rebellés contre Yazid ibn Muawiya, ils voulaient l'éliminer du pouvoir. Abdullah ibn Omar, regarde même le conseil pour où est-ce qu'il est allé. Abdullah ibn Omar est allé chez Abdullah ibn Muti'a. Abdullah ibn Muti'a, quand il a vu Abdullah ibn Omar, il s'est dit, nous avons un allié maintenant, nous allons être renforcés avec un noble compagnon avec nous. Mais Abdullah ibn Omar, quand Abdullah ibn Muti' l'a vu, il a dit aux gens, sortez, un oreiller à Abi Abd al-Rahman. Abdullah ibn Omar l'a regardé, il lui a dit, je ne suis pas venu pour m'asseoir, je suis venu pour t'annoncer un hadith que j'ai entendu du prophète alayhi salatu wassalam, j'ai entendu le messager d'Allah dire, celui qui désobéit, celui qui sort de l'obéissance du gouverneur, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection sans avoir aucune preuve avec lui. Et celui qui meurt sans reconnaître l'allégeance, en ayant rejeté l'allégeance du gouverneur, mourra l'amour des gens de la période pré-islamique. Pourquoi la mort des gens de la période pré-islamique? Parce que les gens de la période pré-islamique ne voient pas d'obéissance à qui que ce soit. Ils ne voient pas de gouverneur, ni de chef, ni rien du tout. Chacun fait à sa tête. Regarde maintenant. Ça lui a fait... Il n'a pas eu peur qu'il y a un grand nombre de khawarij avec Abdullah ibn Muti'a. Et il est allé le voir. Il l'a conseillé chez lui. Et quand il est allé au conseil, il ne s'est pas assis avec lui. Maintenant, tu retrouves le frère avec un moussafir qui n'arrête pas de calomnier les grands hommes de science. Et tu trouves le frère avec en train de manger un tacos et tu es en train de rigoler. Et tu dis, je le conseille. Comment ça, tu le conseilles? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu es en train de... Aujourd'hui, tu es au tacos avec lui, demain à la pizza, et ainsi de suite. Tu me dis, tu conseilles. Quel conseil? Regarde le conseil, comment il se fait. Regarde Abdullah ibn Omar. Je joue avec moi, c'est juste un match de foot tous les 15 jours, et je profite pour le conseil. Quel conseil? C'est comme ça? très loin, hein. Le fossé est énorme. Nous devons faire très attention. Il faut que ce fossé, on essaye de le réduire et de revenir à notre raison et de revenir à la voie sur laquelle était nos pieux prédisseurs d'Allah Alim. Alors la situation est dangereuse. La situation, c'est devant Allah, qu'est-ce que tu vas répondre? Et c'est aussi de perdre à la voie de vérité sur laquelle tu es. Et où il est le fait de triompher la vérité et de lever très haut et très fort l'étendard de la vérité. ويقول نافع لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذا غدرة فلان وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Et quand Nafi', le serviteur d'Abdullah ibn Omar, dans ce qui est rapporté par l'Imam al-Bukhari rahimahullah, quand les gens à Médine se sont révoltés contre Yazid, ils ont pris le parti de ceux qui se sont rebellés contre lui. Abdullah ibn Omar a réuni toute sa famille, ses enfants, tout le monde. Et après avoir fait l'attestation de foi, il a dit ceci, dit, nous avons donné l'allégeance à cet homme, c'est-à-dire à Yazid ibn Muawiyah. Nous lui avons donné l'allégeance selon la voix d'Allah et la voix de son messager, alayhi salam. Et j'ai entendu le messager d'Allah dire, le traître, le jour de la résurrection, aura derrière lui un étendard. Hein? Et il sera dit, ça c'est la trahison de tel. Ça, c'est la trahison de tel. Et il y fait partie de la plus grande des trahisons. L'œuvre la plus énorme après le polythéisme et après avoir donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que quelqu'un qui a donné l'allégeance à un gouverneur et il annule son engagement, il ne tient pas son engagement. Hein? Ça, c'est la plus grande des trahisons. Et il a dit à ses enfants, que personne parmi vous ne se rebelle et ne rejette pas l'allégeance qu'il a vis-à-vis du Yazid, ibn Muawiyah. Et que quelqu'un parmi vous n'aille pas à l'extrême à ce point-là. Car ça va être la séparation entre moi et lui. Sa famille, il est en train de parler à ses enfants, et à ses femmes, et à ses petits-enfants. Il leur dit, si quelqu'un agit ainsi, c'est la séparation entre moi et lui. Hein? J'ai joué au foot pendant 15 ans avec. Tu fais quoi avec? Devant cet attard d'Abdallah Omar, tu dis quoi? Ton modèle, c'est qui? Celui avec qui tu joues au foot? Ou c'est Abdallah ibn Omar? Le modèle que Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi, le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Ben regarde. Regarde ces nobles compagnons comment ils agissent. Hein? Si on veut la suprématie de cette communauté, la sortir dans le dédale de la bassesse dans laquelle elle est, il faut qu'on revienne à cette voie. C'est la seule voie de la suprématie et des honneurs. C'est la seule voie. C'est pour ça qu'il est combattu par tout le monde. Que ce soit les ennemis d'Allah ou que ce soit les déviants de la communauté. وحين اعترض على عثمان رضي الله عنه في أحواله الشخصية. Regardez maintenant la défense de la vérité comment il est. وحين اعترض على عثمان رضي الله عنه في أحواله الشخصية، مثل تغيبه يوم بدر وفراره في أحد وعدم شهوده بيعة الرضوان، كان الذي رد على تلك الاعتراضات وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولقد رد رده في نص صريح رواه البخاري من طريق عثمان بن وهب رحم الله أئمة المسلمين. كنت On s'est opposé à la situation de Uthman, la situation personnelle de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu warda, comme le fait qu'il s'est absenté le jour de la bataille de Badr, le fait qu'il s'est sauvé pendant la bataille de Uhud, le fait qu'il n'a pas été présent pendant l'allégeance de Ridwan. Celui qui a refuté ces ambiguïtés, c'est Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu. Ceci est relaté dans un texte clair rapporté par l'imam Bukhari. Qala Uthman ibn Wahb, qala ja'a rajulun min ahli Misr hajja al-bayt fa ra'a qauman julusan. Le rapporteur qui est Uthman ibn Wahb, il dit, comme il est rapporté par le Bukhari, un homme parmi les gens, parmi les Égyptiens, parmi les pays de l'Égypte, hein? Subhanallah, la fitna de Uthman a démarré d'Égypte. Un homme parmi les gens de l'Égypte qui est venu accomplir son pèlerinage, il rentrait à la mosquée, il a trouvé les gens assis. Faqal, من هؤلاء من هؤلاء القوم قال هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم قال عبد الله بن عمر. Et donc, quand il est rentré à la mosquée, il a vu cette assise. Et il a posé la question, c'est qui ces gens? C'est qui ces gens? On lui a répondu, c'est Quraysh. Ceux-là font partie de Quraysh. Il a dit, c'est qui le cheikh parmi eux, là? Il dit, c'est Abdullah ibn Omar. Qala ibn Omar. Qala ibn Omar. Inni sa'iluka an shay'in fahaddithni anhu. Et l'homme s'est tourné vers Abdullah ibn Omar, lui a dit, je vais t'interroger sur des choses, tu dois me dire ce qu'il en est. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. Est-ce que tu sais que Uthman s'est sauvé le jour de la bataille d'Uhud? Abdullah ibn Omar lui a dit oui. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. Et lui a dit, est-ce que tu sais que il n'était pas présent durant la bataille de Badr? Abdullah ibn Omar lui a dit oui. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. Et il lui a dit, est-ce que tu sais qu'il n'était pas présent durant le jour l'allégeance de Ridwan? Il a dit oui. قال الرجل الله أكبر. Ah, il a cru qu'il a eu le butin. خلاص. قال ابن عمر تعال وبين لك. ابن عمر lui a dit, quand il a entendu ce qu'il a dit, l'homme, Allahu Akbar, il sait ce qu'il veut. Il a dit, viens, que je t'éclaire sur la situation. Viens ici. Hein? أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. يشير إلى قوله عز وجل, إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Il dit, quant au fait qu'il s'est sauvé de la bataille d'Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala l'aura pardonné. Et j'atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aura pardonné. Il lui a cité le verset. Il fait allusion à ce verset, radiyallahu anhu wa arda, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, « Ceux d'entre vous qui ont pris la fuite le jour où les deux armées se sont affrontées ont simplement été poussés à la faute par Shaitan pour prix de leur péché. Mais Allah leur a pardonné. Allah en vérité très clément et louanime. » C'est-à-dire, il a la grande passion, subhanahu wa ta'ala. قال واما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. Quant au fait qu'il n'était pas présent durant la bataille de Badr, il était marié à la fille du prophète alayhi salam. Et la fille du prophète alayhi salam, qui était sa femme, était malade. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation de rester à ses côtés pour la soigner. Et il lui a dit alayhi salatu salam, tu as la récompense d'un homme qui aura assisté à Badr et son butin. Le butin d'un homme et aussi sa récompense. Hein? Qui a dit ça? Le messager alayhi salatu salam. Il a dit, il est chez l'imam al-Bukhari. وَأَمَّا تَغَيُّبُوا عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّ مِنْ عُثْمَانِ لَبَعَتَهُ مَكَانَهُ فَبَعَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Quant au fait qu'il était absent pour l'allégeance de Ridouane, si quelqu'un était plus noble parmi les compagnons qui étaient présents dans la tribu de Quraysh, il l'aurait envoyé. Mais c'était le plus noble qui était là. Donc il l'a envoyé comme délégué chez Quraysh. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. Et cette allégeance de Ridouane, il a eu lieu une fois que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé comme émissaire à Uthman ibn Affan à la Mecque. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam après a dit, il a levé sa main droite. Il a dit, celle-là, c'est pour Uthman. C'est-à-dire, ça, c'est l'allégeance de Uthman. Hein? Et qui est mieux? La droite du prophète alayhi wa sallam ou celle de Uthman? Il n'y a aucun doute. Aucune comparaison. Et c'est la main droite du messager alayhi wa sallam qui a fait l'allégeance de Uthman ibn Affan. Alors qu'elle était l'émissaire du messager alayhi salatu salam pour une noble mission qu'il accomplissait pour le prophète alayhi salatu salam chez Quraysh. Faqala lahu ibn Umar, idhhab biha al-an ma'ak. Rawahu al-Bukhari. Abdullah ibn Umar lui dit, maintenant prends ces informations comme ça, il va avec. Hein? Prends ça, tel qu'il est, il va avec maintenant. Regardez cette défense de la vérité. Hein? Et quand on voit la défense qu'ont accompli Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid pour la défense de leurs élèves et pour la défense de ceux sur lesquels on a commis des injustices, comment ils la tiennent de qui? Ils la tiennent d'hommes comme Abdullah ibn Omar et comme Omar ibn Khattab, etc. qui, peu importe les personnes, la personne contre laquelle s'est levé Cheikh Rabi' était une personne qu'il aimait le plus. Il l'aimait plus que ses enfants. Et pourtant, quand il est devenu injuste, et que, il s'est obstiné dans sa position, Adam Mohamed Ben Hadi, ça ne l'a pas empêché. Et après, toi, tu viens me dire, mais comment je veux faire? J'ai joué le foot avec. On a fait toute notre enfance avec, on a fait. Akhi, taqillah, crains Allah, Azza wa Jal pour ta religion. Hein? جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له إني أحبك في الله. قال عبد الله بن عمر فاشهد علي أني أبغضك في الله. ها وعرا صحيح. قال ولما؟ قال لأنك تلحن في آذانك وتأخذ عليه أجرا. ذكره صاحب المصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى وهو في الصحيح عند الألباني. Un homme est venu voir Abdullah ibn Omar. Regarde, celui-là, il va être un peu plus difficile encore. Hein? Allah musta'an, on s'en fait. Notre situation, on est des faibles. Hein? Allah musta'an. Un homme est venu voir Abdullah ibn Omar. Il lui a dit, je t'aime mon Allah. Abdullah ibn Omar l'a regardé, il lui a dit, mais moi, témoin que moi je te déteste en Allah. T'imagines un peu? L'homme il dit, je t'aime en Allah. Abdullah ibn Omar, je te déteste en Allah. Il est dur, Abdullah ibn Omar, la abadan. C'est le juste milieu. L'homme lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, ah, tu chantes dans ton Aden. Hein? Et tu prends un salaire pour l'Aden. Tu chantes dans l'Aden et tu prends un salaire pour l'Aden. Et ceci est relaté dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasr al-Din al-Albani rahmatullah alayh. Fa radiyallahu an Abdullah ibn Omar wa an sahbi ajma'in wa jama'ana wa iyyakum bihi ma'a nabiyyina fi jannati an-na'im. Que Allah subhanahu wa ta'ala agrée le noble compagnon Abdullah ibn Omar et tous les nobles compagnons, que Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse avec eux et avec notre messager dans le paradis, même si on ne fait pas ce qu'ils font et ce qu'ils ont accompli. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre amour à ces nobles compagnons de Allah alayhim. أما مواعده فهي كثيرة جدا. Contrast ces leçons qu'il a donné à la communauté, ils sont nombreuses. Hein? Regarde celle-ci. Rapportée par Dahabi dans Siyer. Abdullah ibn Omar dit: Nistata'ta an talqa Allah khafif al-dhahri min dima'i an-nas khamis al-batni min amwalihim kaff al-lisan an a'radihim لازما لامر جماعه فافعل. رضي الله عنه وارضاه. Donc ce qui est rapporté par Dahabi dans Siyar, si tu peux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir aucun compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala concernant les vies et le sang des gens, hein, et en n'ayant rien pris de leur fortune, ou en n'ayant retenu ta langue concernant leurs honneurs et leurs vies. Hein? Et en étant dans l'unité, en restant cramponné à l'unité gouvernée par un gouverneur, fais-le. Regarde ce noble conseil. Parmi les conseils de ce noble compagnon. T'arrives devant Allah sans avoir assassiné personne, sans avoir à rendre du compte sur le sang de la vie de quelqu'un, sans avoir volé qui que ce soit, sans avoir mangé le haram, les gens des gens, par n'importe quel moyen, sans avoir calomnié, déshonoré les gens ou parlé sur leur vie, hein, et en étant resté obéissant à un gouverneur musulman dont l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et en n'ayant pas divisé la communauté, fais-le. Qala Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma la yakunu ar-rajul 'aliman حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يمتغي بعلمه ثمنا رواه الدارمي. Abdullah ibn Omar disait, l'homme ne deviendra pas un homme de science jusqu'à ce qu'il ne jalouse pas ceux qui sont plus haut que lui au niveau de la science et qu'il ne diminue pas de la valeur de ceux qui sont dans la science moins que lui. Et qu'il ne cherche pas avec sa science un prix de l'argent. Hein? Mais nous sommes dans un monde dans lequel il y a la course à être au devant de la scène et à être le leader. Et ceux qui veulent être les leaders écrasent même leurs étudiants qui étaient leurs étudiants, comme ils disaient, les plus méritoires. Tout simplement pour avoir le devant de la scène. Enfin, regarde, où sommes-nous de cette parole de Abdullah ibn Omar, radhiyallahu anhu ajma'in. Wa qala radhiyallahu anhu waldah, wallahi, law sumtu an-nahar la uftiru, wa qumtu al-layla la anamu, wa anfaqtu mali ghalaqan ghalaqan fi sabilillah, hakada wa hakada fi sabilillah. Amutu yawma amut. وليس في قلبي حب لأهلي طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شيئا، ذكره صاحب فيض القضية الذي رضي الله عنه وارضاه. Par Allah, si je jeûne tous les jours sans rompre le jeûne, et si j'accomplis toutes les nuits les prières nocturnes, et que je ne dors pas la nuit, et que je dépense ma fortune sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que je meurs, le jour où je meurs, et que j'ai aucun amour pour les gens qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, et que je ne déteste pas ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ce que j'aurais fait ne me serait d'aucune utilité. Hein? C'est une parole pour tout montrer l'importance de l'alliance et le désaveu. L'importance du fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Hein? Sadaqa wallah. Wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam yaqul أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله رواه الألباني في الصحيحة. Il a dit vrai, رضي الله عنه وارضاه. Le messager d'Allah a dit, l'once la plus solide de la foi, c'est le fait de s'allier pour Allah et de désavouer pour Allah, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. وكان رضي الله عنه وارضاه يحذر الناس من حب الدنيا وطول الأمل فيقول يا ابن آدم صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك وهمك فإنك موقوف يوم القيامة على عملك فخذ مما في يدك لما بين يديك عند الموت يأتيك الخير. ذكر صاحب الحلية أن عبد الله بن عمر كان يحذر الناس. Il les avertissait contre le fait d'aimer ce bas monde et que leur cœur soit attaché à ce bas monde et d'avoir beaucoup d'espoir dans l'avenir pour ce bas monde. Il disait, ô fils d'Adam, descendant d'Adam, ce bas monde, que ton corps soit le compagnon de ce bas monde et que ton cœur soit séparé du bas monde. Tes soucis soient séparés de ce bas monde. C'est-à-dire tes soucis doivent être l'au-delà. Ton cœur doit être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à ce bas monde. Car demain tu vas te retrouver devant Allah et tu vas te retrouver devant tes œuvres. Donc prends de ce bas monde que tu as entre les mains pour le jour de ta mort. Tu vas acquérir le plus grand des biens. رضي الله عنه وارضاه. Comme s'il nous disait, ce bas monde, il faut qu'il soit dans ta main et qu'il soit pas dans ton cœur. Car si ce bas monde est dans ta main et qu'il n'est pas ancré dans ton cœur et ton cœur n'y est pas attaché, ça va être facile de le dépenser sur le sentier de l'Azzawajal et dans les portes du bien et dans les voies du bien. Mais si ce bas monde s'accapare de ton cœur et ton corps y est attaché, il va te tuer, il va te détruire. Et tu vas sortir de ce bas monde et peut-être que tu n'auras même pas profité de ce grand bien que tu as. C'est les hérétiques qui vont en faire ce qu'ils veulent après. Et ils vont le dépenser comme ils veulent. Et ce qu'on sait, c'est que celui qui hérite quelque chose, la dépense facilement. Parce qu'il n'a pas été éprouvé pour l'acquérir. Donc quand il l'a, peu importe. Il hérite 10 000 euros, 15 000 euros, peu importe qu'il les dépense en un mois ou deux mois, c'est rien. Parce qu'il n'a pas passé, il n'a pas trimé pour les ramasser. Hein? ولذلك كان يقول رضي الله عنه وارضاه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. C'est pour ça qu'il ne cessait de dire رضي الله عنه وارضاه quand tu arrives le soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire, l'œuvre que tu dois accomplir le soir, accomplis-la. N'attends pas le matin. Et quand tu es réveillé le matin, l'œuvre que tu dois accomplir le matin, n'attends pas le soir. Et prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire, tu as une bonne santé, bah tu mets en application. Comme ça, quand tu es à côté du mur ou allongé sur ton matelas malade, tu as fait des provisions pour ta maladie. et aussi prendre de ta vie pour ta mort. Hein? Parce que quand tu as la vie, bah, tu y as encore. Hein? Tu peux encore ouvrir. وكان رضي الله عنه وارضاه يثني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويأمر باتباعهم يقول رضي الله عنه وارضاه من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدي المستقيم والله رب الكعبة ذكره صاحب الحلية أبو نعيم رحمة الله عليه إيه رضي الله عنه وارضاه ça ça te prouve que les gens qui ont du mérite connaissent le mérite des autres ils connaissent les gens qui sont méritoires رضي الله عنه وارضاه il faisait beaucoup d'éloges aux nobles compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Et il leur donnait le fait de les suivre. Il dit, celui qui veut prendre une voie, qu'il prend la voie de ceux qui sont morts. À son époque, il disait ça. C'est-à-dire, les nobles compagnons d'Allah alayhi. Ceux-là, il disait, ceux-là, ce sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté. Ils avaient du cœur dévoué pour Allah. Ils étaient ancrés dans la science. Ils s'imposaient peu de choses. Hein? Ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour l'accompagner de son prophète alayhi salam et pour transmettre sa religion. Imitez-les. Imitez leur comportement. Imitez leur voix. Ce sont les compagnons de Muhammad alayhi salam qui étaient sur la voie droite par Allah, le souverain de la Kaaba. رضي الله عن عبد الله بن عمر وكان رضي الله عنه وارضاه يحذر من آفات اللسان فيقول رضي الله عنه وارضاه أحق ما طهر العبد لسانه ذكره إمام أحمد في كتابه الزهد et il avait réfléchi beaucoup contre les dégâts de la langue la médisance le colportage il disait La chose qui mérite le plus d'être purifiée, c'est la langue de la personne. Et ceci est rapporté par l'imam Ahmed dans son livre Zud. Fais Allah al-Azim, replâche al-Azim, biasma al-Husna, wa sifati al-Ula, an yarzuqna wa iyaakum hubbahum, wa hubba man yuhibbuhum, wa an yahshurana wa iyaakum ma'ahum. Innahu wali dhalika wal qadiru alayh, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا